me pardonne. Fils de personne, j'attends que mon heure sonne. Fils de personne, que mon père me pardonne. Je chante par tous les temps, je suis le fils d'un gitan. Je n'ai pas besoin d'aide, je suis le fils de Chef Khaled. Je connais le blues et la misère, fils de Muddy Water. Pas besoin de revolver, fils de Schwarzenegger. Un petit peu prétentieux, je suis le fils de Dieu. Mais ça c'est sûr, je ne suis pas un fils à papa, tout au plus un bâtard. Un fils de clébard, j'attends.